petit air collé aux ptères, mon air couillon collé au front, la discrétion d'un phacochère se rapprochant d'un papillon. Résolument pris dans ta toile, je ne cherche pas à m'enfuir. Si tu étais une migale, tes huit yeux sauraient m'attendrir. Ma hauteur est bien superflue, j'aimerais tant te rejoindre en bas. Alice a pu quand elle a bu sa petite fiole de buvez-moi, aussi grand que les fourmis dans un jardin, aussi grand qu'un monde, aussi grand que les fourmis dans un jardin, aussi grand qu'un monde. Es-tu consciente de ma passion quand tu t'envoles sans ne rien dire? Là-haut perché à mon plafond, je ne peux pas même te saisir. Fine guêpe, beauté exquise, je prendrai ta taille dans mes bras. Mante religieuse de ton église, serai le gardien de la foi. En abeille, je serai ton miel, tu serais libre et je serai lule. Quittant la terre pour le ciel, vivant volant dans notre bulle, aussi grand que les fourmis dans un jardin, aussi grand qu'un monde, aussi grand que les fourmis dans un jardin, aussi grand qu'un monde. Mais en insecte, je serais indigne et te filerais le bourdon. Éphémère, je serais le signe d'une proche fin de saison. Telle une punaise dans un sac, une pauvre tache de coccinelle. Avec l'allure d'une blatte, je ne gagnerai pas la belle. Oubliez ma paire d'ailes, mes mandibules et mes antennes. Oubliez finalement celle, petit objet de mon entière. Aussi grand que des fourmis dans un jardin, aussi grand qu'un monde, aussi grand que les fourmis dans un jardin, aussi grand qu'un monde. Mais entre ton air collé aux ptères et mon air couillon collé au front,